radio en direct, émissions à la demande, podcasts originaux, découvrez l'application Radio France. Toutes vos radios en une seule application. 19h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. Parce que l'archéologie se veut une anthropologie du passé, Carbone 14 tente une fois encore de percevoir les diverses approches de la discipline, comme d'explorer les chemins complexes qui nous mènent à la connaissance. Ce soir, pour mieux mettre en perspective le savoir-faire et par là même l'apprentissage des techniques, nous mobiliserons diverses sciences comme l'éthologie des primates, c'est-à-dire la science des comportements, l'anthropologie des chasseurs-cueilleurs, comme la psychologie du développement, avec Frédéric Julien. Bonsoir. Bonsoir. Maître de conférence à l'école des hautes études en sciences sociales, l'EHESS, vous avez été directeur adjoint du fameux laboratoire d'anthropologie sociale du Collège de France. Anthropologue, spécialiste d'éthologie, j'ai souvenir de deux de vos livres au titre évocateur, « La nature est-elle culturelle ?» paru en 1998 et « Les natures de l'homme » en 2007. Aujourd'hui, vous coordonnez un volume de l'excellente revue Technique et Culture autour du savoir-faire et ayant pour titre VASA, l'art ineffable de l'apprentissage. Le mot savoir-faire est un curieux mot qui couvre la connaissance des moyens qui permettent l'accomplissement d'une tâche. Justement, Frédéric Julien, il y a une vingtaine d'années, au Collège de France, vous constatez la pauvreté du vocabulaire pour décrire ces savoir-faire ? Oui, effectivement, il y a 20 ans, avec un collègue italien, Salvatore D'Onofrio, on discutait de nos terrains respectifs. Et lui me décrivait les savoir-faire qui existent en Sicile, dans le sud de l'Italie, et d'un mot particulier qui servait à décrire les beaux gestes, le beau galbe, les façons rusées de faire des paysans, qui était le mot garbu. Et garbu, ça m'a évoqué quelque chose, non pas sur mes terrains africains, mais dans ma région d'origine, la Provence, le mot gaubi. Et le gaubi, c'était quelque chose qui ressemblait au garbu de Salvatore. Et on a commencé à s'interroger sur tous ces mots étranges qui existent parfois pour décrire les savoir-faire, les arts de faire des artisans ou des gens en général. Et en fait, en commençant à enquêter là-dessus, on posait des questions à nos divers collègues du laboratoire d'anthropo, et on discutait avec des spécialistes d'Amérique du Sud, d'Afrique ou d'ailleurs. Et bien souvent, on se rendait compte qu'il n'y avait pas les mots. Les mots n'existaient pas dans le lexique pour décrire les savoir-faire et leur transmission. En anglais non plus d'ailleurs. C'est un peu comme savoir-faire. C'est know-how. Donc effectivement, c'était des mots-clés généraux qu'on a dans nos grandes langues véhiculaires, mais qui décrivent pas par le détail tout ce vaste monde des gestes et des actions techniques ou artistiques, quelles qu'elles soient. S'il n'y a pas de mots, cela veut dire que beaucoup de choses passeraient par un apprentissage diffus, informel, mais surtout non verbalisé. C'était ça qui était en jeu, effectivement, et on a organisé une grande rencontre avec des collègues travaillant en archéologie et en ethnologie, et ça a donné lieu à un livre qui s'appelle « Dire le savoir-faire », qui était justement sur les mots du faire, et l'absence parfois de mots du faire, et c'était, je dirais, ce qui nous a mis la puce à l'oreille. Et une de nos collègues, Jeanne Kobi, ethnologue aujourd'hui disparue, spécialiste du Japon, est venue avec dans sa petite mallette le mot japonais qui est le mot waza, qui décrit ses savoir-faire. Et on a commencé à réfléchir plus largement sur tout ce qu'il y a derrière. Et tout ce qu'il y a derrière, effectivement, c'est un drôle de monde qui est peu étudié, qui est le monde de la transmission des savoirs informels. Ici, en Occident, on est dans un monde où la didactique est reine, où l'enseignement formel est roi, alors que dans toute l'histoire de l'humanité, ou dans bien des sociétés orales, les transmissions se font autrement. Vous le savez, puisque vous avez aussi été archéologue, les techniques, les savoir-faire sont la pierre angulaire de notre discipline, l'archéologie, la préhistoire, notamment bien sûr pour l'État ancien. Oui, pour bien entendu, c'est même comme ça qu'on discrimine l'humanité au départ. L'humanité, elle a été définie en grande partie par la capacité à faire artefacts, à créer des objets, à leur donner forme d'une façon particulière, et c'est ce qui a permis aux préhistoriens, depuis Boucher de Perthes, à diagnostiquer entre des objets, des naturfacts, qui sont façonnés par la nature, par les phénomènes géologiques, par l'érosion, par les etc., des objets qui ont des indices et des signes, qui marquent des signes d'intelligence, comme les bifaces. On va distinguer entre un enlèvement dû au gel, de celui qui est fait de main d'homme, et là effectivement ce qui va importer c'est le geste. Mais comment est transmis ce geste? Ça, c'est une question qui est toujours d'actualité, en fait. C'est pour ça, peut-être, que les archéologues se mettent à tailler le silex aussi, non? Retrouver les gestes, retrouver les erreurs, retrouver, apprendre, découvrir l'apprentissage, et essayer de le repérer dans les temps très anciens. Tout à fait. Retrouver ça dans les temps très anciens, quand on est chez des non-humains qui sont très loin de nous, c'est-à-dire que quand on fait de l'archéologie expérimentale, qu'on taille du silex, qu'on est dans des anatomies qui sont similaires aux nôtres, je dirais, on est en terrain relativement sûr. Mais quand on a des êtres comme des australopithèques anciens, qui se déplacent aussi bien dans les arbres qu'au sol et qui ont des anatomies très différentes des nôtres, alors là, il faut faire preuve de davantage d'imagination pour comprendre ce qui est derrière, quelle intelligence, quel savoir il y a derrière ces objets, et éviter toute projection des temps actuels sur les temps passés. C'est ce qui m'a amené à la primatologie d'une certaine façon. En tout cas, Jeanne Kobi, donc une spécialiste du Japon, a apporté à vos recherches un curieux mot, waza, vaza. Celui-ci serait proche de la notion de culture? Oui et non. Oui, parce qu'on l'a, je dirais, d'une certaine façon instrumentalisé. Le waza, ça correspond aux arts de faire, ça correspond à des habiletés qui sont à la fois incarnées et apprises, comme j'ai pu le décrire pour le concept provençal de Gaobi. C'est inné et c'est appris, c'est les deux à la fois. Ça renvoie à des savoirs formels, celui du forgeron, celui du marionnettiste dans le théâtre de marionnettes qui va développer un waza très aigu, très précis, mais ça correspond aussi à des savoirs courants. Et c'est ce que faisait apparaître Jeanne Kobi, et c'est ce qu'on a exploré dans ce numéro à la suite, parce que dès 2009, j'ai commencé à travailler, enseigner au Japon, et on essayait de trouver une traduction de technique et culture en japonais. Et en fait, tout de suite, le mot waza est arrivé aussi, c'est-à-dire que le mot y réunissait à la fois la technicité et la dimension culturelle, donc le savoir et la transmission qui vont avec. Là, il y a une contraction. Et comme vous disiez au démarrage, savoir-faire, ça implique, je dirais, une séparation entre l'intelligence, l'esprit, et le faire, qui serait inférieur. Know-how, c'est pareil. Et waza, ça intègre l'intelligence de la main. Et l'intelligence de la main, c'est pas un petit mot au Japon, c'est très important, c'est reconnu, c'est apprécié. Il y a des savoirs artisanaux qui sont répertoriés au patrimoine de l'humanité. Oui, les productions de sabres, les céramiques raku, bien sûr, tout ça. Le papier dont on parlera. Le papier dont on pourra parler, oui, effectivement. Donc la notion de waza était plus large et plus riche pour explorer ce que nous avons fait avec mes collègues japonais, avec lesquels on a édité ce numéro. Mais ce numéro, il est parti d'une envie commune aussi, d'une envie commune qui était celle d'un anthropologue, un psychologue, une primatologue et un anthropologue, et pour moi, à cheval entre les deux. En fait, on voulait explorer très largement, par-delà les disciplines, ces savoirs, et ce qui avait connoté derrière le mot « waza ». Alors justement, l'attrait de ce mot « waza », « waza », est qu'il rendrait compte aussi de l'informel ? Oui, effectivement, c'est ça, c'est-à-dire qu'on hiérarchise pas. On hiérarchise pas les savoirs, comme on le fait généralement dans nos sociétés. Là, le savoir manuel, le savoir de l'artisan ou de l'artiste, ils sont à la hauteur du savoir du penseur, du philosophe ou du high culture, de l'art de haut niveau. Et le waza, ça, je dirais d'une certaine façon, c'est une conception qui permet de répondre d'un côté à une conception élitiste des savoirs et à, je dirais, à la notion d'habitus, selon Bourdieu. De Bourdieu, oui. C'est-à-dire qu'on est entre les deux. On intègre à la fois des usages, des choses qui sont de l'ordre de la posture, de la bonne tenue, comme du savoir spécialisé d'un artisan de haut vol. Donc les deux sont englobés par le terme waza, qui devient un outil pour penser, pour rapprocher des choses qu'on rapproche pas d'habitude. Alors bien sûr, le waza waza est un concept populaire au Japon. Il devient savant en Occident. Au passage, Frédéric Julien, vous récusez les termes de tradition et de transmission trop vieillots à vos yeux? Non, je les récuse pas, loin de là. Je pense qu'ils sont pas forcément efficaces. Tradition et transmission, c'est les mêmes racines. Et effectivement, elles sont importantes, mais toutes les paroles ne sont pas écrites, elles ne sont pas enseignées, et pourtant les choses se transmettent. Et c'est cette frange-là, ce domaine sous-jacent, qui me semble important pour l'anthropologue, pour l'archéologue aussi, comprendre que dans les savoirs quotidiens, non appris, non transmis activement, qui ne sont pas obligatoirement enseignés, on a aussi de la culture et de la transmission. C'est pour ça qu'on a beaucoup travaillé sur la question des corps également. Vous l'écrivez dans une interview que vous consacre le journal Libération d'hier, et je vous cite, « À partir du moment où vous mettez une grille de lecture scientiste occidentale sur la diversité des formes humaines de transmission et d'apprentissage, vous réduisez le monde ?» Vous pouvez commenter votre propre phrase. Quelle bêtise j'ai pu dire. Oui, je peux dire oui, dans le sens où pour moi, comme beaucoup de chercheurs, le Japon a été un apprentissage de, je dirais, vers une ouverture vers autrui aussi et vers les idées. Toutes les idées sont peut-être pas bonnes à prendre, mais toutes sont bonnes à explorer. Et notre façon rationnelle de séparer entre des savoirs nobles et d'autres moins nobles, je l'ai pas vu au Japon. Je l'ai pas senti. Et j'ai vu par contre une attention magnifique aux choses simples et aux artisanats et à la nature et aux comportements animaux, sans les hiérarchiser. Et cette ouverture-là, elle est opératoire pour faire de la recherche et pour dialoguer. Justement, Frédéric Julien, le Japon, il nous faut alors parler d'André Leroy Gourhan, grand initiateur des techniques en France, et bien entendu de Marcel Mauss, hein, tous deux professeurs au Collège de France. Mais seul André Leroy Gourhan a travaillé dans le Japon des années 1930-1937. Oui, tout à fait. André Leroy Gourhan a été le premier boursier ethnologue français à partir au Japon pour faire une thèse sur le monde rural, sur la culture matérielle, entre 1937 et 1939, le début de la guerre. Il est resté au Japon, il a accumulé une quantité de connaissances sur le Japon et de descriptions des savoir-faire artisanaux, techniques, tous ordres, qui ont donné lieu à un livre essentiel pour l'anthropologie, qui est « Milieux et techniques », qui va être publié en 41 et en 43 en France, et dans lequel, je me souviens plus exactement, mais je crois que c'est 80% des exemples qu'il donne sont pris au Japon et dessinés à partir de son expérience japonaise. Donc André Leroy Gourhan ne cite pas forcément toutes ses sources, et nous, anthropologues, allons être formés à la pensée de Leroy Gourhan, qui est une pensée et une expérience fortement enraciné dans le Japon de la fin des années 30. À ne pas confondre avec waka, le waza n'est pas qu'une célèbre et authentique biscotte suédoise. C'est aussi le nom d'un navire de guerre sombré lors de son inauguration en 1628 et fouillé d'ailleurs par les archéologues. C'est aujourd'hui une notion japonaise couvrant tout à la fois la technique et la culture. Dans les années 30, le roi Gourhan, fin connaisseur du Japon, évoque-t-il cette notion de waza? Eh bien non, je l'ai pas retrouvé, mais bon, il y a encore des écrits d'André Leroy Gourhan probablement à revisiter, à retravailler, notamment dans ses échanges épistolaires avec la France pendant sa période japonaise. On peut encore peut-être découvrir cette notion-là chez Leroy Gourhan, mais elle a été reprise par Jeanne Coby, qui avait travaillé avec lui et qui était une ethnologue spécialiste du Japon. Mais dans tous les exemples donnés par André Leroy Gourhan, c'est cet art de faire et c'est ces gestes qui sont centraux et qui va décrire dans plusieurs de ses livres et qui vont continuellement informer sa réflexion, aussi bien en archéologie qu'en anthropologie. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. Frédéric Julien, quelle est la place de la recherche japonaise en éthologie? Très pionnière, semble-t-il, avec l'observation des animaux, les oiseaux comme les hérons, les poissons pêcheurs aussi, tout ça sont des choses absolument formidables. La place de l'éthologie, je dirais contrairement à l'Occident, elle va avec les sciences humaines. Nous, on a séparé, alors que dans les années, 48-50, se fondait l'école de Kyoto, qui est une école d'éthologie fondée par Imanishi. Mais c'est l'éthologue qui, au sortir de la guerre, va être le premier à lancer toutes ces grandes études comparatives sur les primates, sur les macaques d'abord, sur les îles au sud du Japon, puis ensuite sur les grands singes en Afrique centrale et en Afrique de l'Est. Et Imanishi vise une science générale pour s'interroger sur les origines de l'homme. Mais au lieu de faire de la paléontologie humaine ou de faire de la préhistoire comme on le fait en Occident, il fait de l'éthologie. Et il va travailler sur les origines de l'humanité, sur les origines de la culture, sur les origines des rituels, sur le tabou de l'inceste, en observant les primates. Et ça fait un décalage très important qui va informer tout un ensemble de recherches. Et les premiers à parler de culture, de préculture animale, ce sont les Japonais dès les années 50. Avant Jane Goodall, avant les Occidentaux qui vont travailler sur les grands singes. Les chimpanzés sont les primates les plus proches de l'homme. Ils partagent avec nous des caractéristiques que nous pensions exclusivement nôtres. Évoquons le jeu, les outils, l'apprentissage chez nos cousins, notamment en Tasmanie. Ceux-ci manipulent quantité d'objets, pierres, feuilles, tiges. Oui, absolument. Le spectre d'utilisation d'outils par les chimpanzés communs est très très important. Bien moindre chez les chimpanzés bonobos. Différent chez les gorilles, relativement important chez les orang-outans. C'est important aussi de comprendre qu'il n'y a pas une façon singe d'utiliser le monde matériel et des instruments. Il y a une grande diversité, mais il y a une grande variabilité aussi. Et même dans les sociétés de chimpanzés, suivant les communautés, on va observer des variations. Et c'est pour ça que j'ai parlé de tradition à ce sujet-là. Certains parlent de culture. Pour moi, il y a tous les critères de la culture ne sont pas là-dedans et donc je peux pas parler à proprement parler de culture, mais de tradition, oui, et de variantes techniques dans les façons d'utiliser des bâtons, des pierres, différents instruments pour se toiletter, pour attirer l'attention, pour jouer et bien entendu pour se nourrir et chasser dans certains cas. Donc toutes les techniques sont là. Ce qu'on n'a pas beaucoup décrit, et je pense c'est là-dessus qu'on fait œuvre originale dans ce numéro, c'est les savoir-faire, ce qu'on appelle les techniques du corps. Les façons... Marcel Mauss. Je reprends Marcel Mauss et j'applique Marcel Mauss au non-humain. Et avec Waza, on est allé un peu plus loin. Et alors c'est là qu'on s'aperçoit que il y a de l'apprentissage chez les tout-petits dans certains groupes, donc en manipulant même plusieurs objets, c'est bien ça? Le jeu est capital. Il y a une vingtaine d'années, on se focalisait justement sur les chimpanzés, ils sont différents de nous en termes d'apprentissage parce qu'il n'y a pas d'enseignement actif, il n'y a pas de didactique chez les chimpanzés. Il y a quelques exemples qui contredisent cela et qui sont très intéressants parce qu'ils nous permettent d'explorer justement la notion de tradition. Mais il y a une réflexivité du savoir, mais il n'y a pas forcément l'enseignement qui va avec. Parce que l'enseignement, il se passe par la pratique, par la manipulation, par le développement de ce qu'on appelle des affordances, donc les propriétés de la matière et de l'environnement et du milieu qui se prêtent à agir dans un sens plutôt que dans un autre. Et tout ça s'est développé durant l'enfance. par les jeux, comme dans les sociétés humaines. Vous avez aussi étudié un chimpanzé exceptionnel, une sorte de cas totalement hors norme. À vrai dire, je ne sais pas s'il est hors norme. Un athlète, oui. Un artiste, un artisan, un athlète. Et effectivement, au Mont Nyényokwe, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, dans cette zone reculée de la forêt de Thaï, le groupe de chimpanzés sur lequel je travaillais, qui était habitué par un collègue allemand, Gerhard Radl, était en voie d'habituation, c'est-à-dire qu'il tolérait la présence humaine pour développer un projet d'écotourisme à cet endroit-là, de visite des animaux. Et on a commencé à faire des observations sur ces animaux. C'était juste avant la guerre en Côte d'Ivoire. Malheureusement, après, ça s'est arrêté. Et ce chimpanzé, nommé Dali, par mes collègues, était capable de casser avec des percuteurs extrêmement lourds, de plus de 20 kilos, des noix, et était dans ses usages, dans ses façons de faire, un artisan de haut vol. Et le seul artisan de haut vol auquel j'ai pensé en voyant cet animal, c'était plutôt celui que j'avais croisé durant mon enfance avec mon père chez un forgeron à Hyères, où on voyait l'art du forgeron quand il est capable de battre le métal avec son marteau qui est très très lourd, énorme, et avec un petit geste, le fait tourner et l'immobilise. C'était quasi magique. Et le savoir de faire de ce chimpanzé, pour moi, c'était équivalent à ça. C'était une maîtrise de haut vol dans ses gestes, dans le contrôle. Et tout ça était à la fois très maîtrisé et très automatisé. Regardons le Waza et ce qu'il en est aussi des enfants, enfants humains, et l'apprentissage par la pratique. Celui-ci passe en général par des expériences sensorielles, les yeux, les oreilles, les mains. Chez les Maasai, cela passe aussi par les pieds. Oui, c'est ce que raconte Tian, ma collègue qui a travaillé chez les Maasai. Elle a montré que c'était dans ces environnement difficile, où il y a énormément d'épineux, que les enfants développent des savoirs par le jeu pour, je dirais, cohabiter avec ce milieu dur, avec des épineux d'acacia énormes qui sont tout autour des maisons, qui permettent de protéger le bétail. Et donc, ils développent des capacités physiques qui sont pas simplement manuelles, mais qui sont de l'ensemble de leur corps. C'est aussi faire avec le milieu. Et ça se passe dans des cultures enfantines. Il n'y a pas d'apprentissage de ça. Mais si on veut bien gérer par la suite le bétail, devenir un bon guide pour le bétail, il faut maîtriser le milieu. Et tout ça, ça se joue durant l'enfance. Cette enfance-là, tout compte fait, si on regarde bien les travaux, elle est peu étudiée. Et là, dans ce numéro, on a la chance d'avoir plusieurs auteurs, chez les pygmées Baka, chez les Maasai, chez les San d'Afrique du Sud, où on décrit la place de l'enfance et la place de l'apprentissage informel, et qui va permettre ensuite de développer des compétences pour la vie adulte, mais qui sont pas enseignées littéralement. Frédéric Julien, peut-être 90%, voire peut-être plus, de la production des sciences humaines est textuelle. Comment restituer autrement le travail ethnographique, archéologique ou historique? Et vous y avez travaillé donc sur ce Waza. Alors oui, on a travaillé sur un projet. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur depuis quelques années, depuis 7-8 ans à Marseille, en partenariat avec le MUSEM. C'est de développer des écritures autres, des écritures alternatives. On fait un workshop qui s'appelle Une autre façon de raconter, tous les ans, où on met ensemble des chercheurs, archéologues, ethnologues, sociologues, historiens, avec des dessinateurs, des illustrateurs, des auteurs de bandes dessinées et des éditeurs également. On essaie de co-construire de nouvelles façons d'écrire par le dessin. Et là, le travail qu'on a mené aussi avec d'autres collègues de l'université de Seika sur l'art du papier au Japon. Un papier très résistant, visiblement. Oui, c'est ce qu'on appelle le washi. En fait, on a mené l'enquête auprès des artisans avec un dessinateur de BD, Itsu Horiguchi, et on s'est réparti les tâches. Moi, je travaillais sur les gestes, sur les savoir-faire moteurs. Notre collègue travaillait sur les dialogues, sur les commentaires, et lui, le dessinateur, dessinait le milieu de travail de ses artisans. Et en fait, avec les différentes méthodes de description et d'interprétation, on restitue les gestes par le détail, par le menu, de façon originale. Et la BD étant un art populaire, ça nous permet aussi de restituer très largement l'enquête ethnographique. Un art populaire, mais aussi un art, je dirais, qui permet de séquencer justement ce que nous faisons, à savoir des chaînes opératoires, donc des séquences, et donc bien sûr des images. Une dernière question, Frédéric Gélian. Vous allez du coup vous pencher désormais sur les savoir-faire gestuels d'un grand chef, Alexandre Mazia, donc à Marseille. On est dans le même schéma autour de ce vase. Oui, tout à fait. C'est quelque chose que j'ai débuté avec une dessinatrice de BD qui s'appelle Aurélia Orita, qui a un projet et qui a fait plusieurs livres déjà sur l'art culinaire. Et avec Aurélia, on a commencé à travailler chez Alexandre Mazia à décrire le savoir des chefs en dessin et en analyse ethnographique à la façon de la technologie culturelle avec les chaînes opératoires et ses savoir-faire gestuels, ses wazas, comme on les a décrits. Frédéric Julien, merci beaucoup. Je rappelle le titre donc du dernier numéro de votre revue Technique et Culture, Waza, l'art ineffable de l'apprentissage, aux éditions EHESS. Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Nicolas de Passe-Graff, et bien sûr avec la contribution de Sandrine Chapon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de France Culture et l'application Radio France, ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr.